manque un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Apprends-moi la main, toi, petit Pékin. Oh, oui, viens avec moi. Apprends nos frères, ne vont pas. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny 2 à Z qui officie le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Et aujourd'hui, en fait, on célèbre la rentrée de cette émission Johnny 2 à Z ici sur RIG, saison 2024-2025. Et puis l'année, ça fait combien de temps que je fais cette émission? Ça va faire 20, ça fait 24 ans déjà. Bienvenue toutes et à tous dans cette émission Johnny 2 à Z. Et aujourd'hui, je vous propose Johnny ID en live. Et pas n'importe quel live, la thématique ce sera les archives live. Qu'est-ce que les archives live? C'est très simple, hein. Universal a sorti depuis 2020. Des captations radio, et non pas la diffusion radio, mais la captation radio. Et donc ces bandes-là après sont archivées, il faut les retrouver également suite à la demande que peut faire Universal auprès des radios Europe 1 ou RTL. Et on a cette fameuse collection. Nous avons déjà, nous en sommes à 7 numéros: Fréjus, Toulouse, la reprise de Grenoble. Nous avons aussi le Johnny Circus 72, devant le Lyon 73, le Zénith 85 dernièrement, et aussi la Fête de l'Humanité qui est sortie là. C'était le 30 août de cette année 2024. Et ce soir, on va écouter des extraits, 5 extraits de chaque concert. Donc ça va nous faire 35 titres. Donc dites-vous bien, si on calcule bien, ah ouais, il y a plus de 2 heures d'émission, il y a presque 2 heures et demie d'émission pour écouter tout ce petit programme que je vous ai concocté. Et si on commençait tout de suite par le concert de Toulouse du 12 octobre 1965, c'est sorti donc dans les archives live de l'année 2023, accouplé avec le concert de Lyon. Lyon de 1973, et on va écouter les titres suivants: Mais je reviens, Quand revient la nuit, Mes yeux sont fous, Ça fait mal, et Les monts près du ciel. Bonne écoute à tous et bonne émission. Mais je reviens chez moi que tu entends. seul, je m'ennuie. Je pense à toi quand revient la nuit. La lune qui brille, tu la vois aussi, mais trop loin de moi. Si le temps n'en finit pas, je vais tout seul pour cacher le chagrin que j'ai d'être séparé. Bien sûr, j'ai changé. Ah oui, changé plus fort que jamais. Je veux t'aimer, je suis un soldat, comme d'autres lèvres, qui a laissé son amour à regret. À la nuit, quand revient la nuit, je rêve au jour. On écoute Johnny Hallyday à Toulouse le 12 octobre 1965. Où là devant moi, c'est la fille que j'aimais dans ses bras, c'est mon meilleur ami. Mais non, ah, je ne peux croire ça. Ça me fait. Je demandais qu'elle m'aime un peu, mais c'était beaucoup. Leurs lèvres qui se cherchent, ça me ferait trop mal. Et c'est mon cœur qui crie, ça me ferait trop mal. Trop mal. Mon amour, mon amour, mon amour. Te voir pleurer, oh cette fille-là, ça fait mal de te voir maltraiter. Quand je te dis, elle n'est pas pour toi, mais quoi bon, tu ne me crois pas. Ça fait mal de te voir pleurer. Oublie-la, je t'en prie. Renonce à l'aimer, carrément, souvent, tu le sais. Quand je te dis, elle n'est pas pour toi, mais tu l'aimes tant, d'un amour si grand que pour elle, oui, oui, c'est un jeu. Elle te ment toujours, tu le sais pourtant, tu le sais, rien n'est vrai dans son amour. Ça fait mal de te voir ainsi maltraité. Ami, laisse-moi te parler. J'ai beau crier, c'est insensé. Oui, je voulais crier. Non, toi, tu ne me crois pas. Pourtant, oui, un jour tu verras, mon ami, que j'avais raison. Ce mardi 12 octobre, Johnny et Sylvie donnaient un concert exceptionnel à Toulouse pour les 10 ans d'Europe 1. Et on retrouve tout de suite Johnny avec le dernier titre de ce concert à Toulouse, Les Monts Près du Ciel. Alors cette chanson, je veux vous entendre taper dans vos mains. J'ai l'impression que la dernière fois que je suis venu ici, il y avait plus d'ambiance.

Say

trouvé hier au soir avec des amis. Elle me semblait changer, elle n'avait plus de chagrin. Je croyais bien qu'elle m'avait un peu oublié. Et s'il n'en était rien, je peux le constater. Elle a pas su comprendre pour que je l'ai quitté. Je jure, elle ne fait qu'un répété. Go, go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Voilà, filant là, voilà, filant là, voilà, filant là, voilà, filant là, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, yeah, Johnny, be good. Go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, like Johnny, be good, yeah, real cool. Go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, everybody. Quitte Fréjus le 30 juillet 1966 pour arriver à un autre archive live édité par Universal, celui du concert de Grenoble du 10 février 1968. On avait eu déjà eu ce concert lors du coffret sorti en 2012 de Johnny History, et donc ce concert date du 10 février 1968, et c'était lors, hein, c'était un concert exceptionnel organisé à Grenoble par Europe 1 dans le cadre des Jeux Olympiques d'hiver. Herbert Léonard, produit par Ali Hallyday, assure la première partie, ainsi que le groupe Les Fleurs de Pavot, et Johnny Hallyday donc demain donner un concert avec 5 titres qu'on va écouter. Il y en avait plusieurs d'autres, mais ce concert, oui, en effet, ne contient pas le premier titre qui était À tout casser en 1968. On va écouter Si j'étais un charpentier, Je veux te graver dans ma vie, Mal, Je suis seul, Noir c'est noir. Et vous écoutez bien entendu Johnny de A à Z sur RIG le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi, je l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. Tu dois être forte. Quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, ah ben ma sœur est sèche et dure, elle est tienne si fragile. Ah, les hommes et leur colère viendraient la nuit pour tuer. Nous fuirions dans le désert, cacher le nouveau-né. Si j'étais

mal, mal, mal. C'est un amour qui me fait trop mal. La nuit le silence, avec ma souffrance. La nuit je l'appelle, comme elle est belle. Mal, mal, c'est un amour qui me fait bien trop mal. Mal, mal, on paye toujours mais ça fait bien trop mal. Mal, mal, comme une bête, j'en souffre, j'ai mal. Mal, mal, c'est un amour qui me fait bien trop mal. Comme celui qui aime, ici mais qu'on peine. Quand l'amour torture, tout ce que j'endure. La nuit je l'appelle, comme elle était belle. La nuit je l'appelle, comme elle était belle. Je suis seul. Cet amour-là, je ne connaîtrai pas. Il ne sera jamais pour moi. Je suis seul. Désespéré. Tu as beau parler d'amour, je suis seul, presque tu jures. Le concert de Johnny Hallyday à Grenoble le 10 février 1968. Say, G. Kiki. J'en veux plus dans ma vie, oh non. Ça me rend fou de perdre ton amour, je te l'avoue. Ça vaut le coup de sauver notre amour, rien que pour nous. De sauver notre amour, rien que pour nous. Oh, c'est Noël, il me reste l'espoir. Merci, merci beaucoup. Merci. Eh bien maintenant, avant de vous quitter, ah, je vais vous présenter mes camarades, mes amis également, mes musiciens qui m'accompagnent sur scène. Je compte sur vous pour les applaudir bien fort. Ils s'appellent les Blackbirds. Le prochain concert qu'on va écouter, ce sera le Johnny Circus, du moins, on va dire, la tournée du Johnny Circus. Sachant que, donc, ce Johnny Circus s'est déroulé du 16 juin au 15 septembre. Il est écrit, mais non, en fin de compte, c'est jusqu'à fin août, car les 15 premières dates de septembre, enfin, les 15 jours de septembre, ont été carrément annulées. Et donc, ce concert a été inspiré du Mad Dog Englishman, une des aventures les plus étonnantes du rock mise en place en 1970 par Joe Cocker et Leon Russell. Et à l'idée, décide de s'embarquer à la tête d'une odyssée gigantesque sponsorisée par RTL et une boisson venue au goût venue d'ailleurs, Ginny, hein. Et Johnny Circus, pour résumer l'entreprise en quelques chiffres, c'est une superficie d'un hectare, un immense chapiteau de toile pouvant accueillir 3000 spectateurs et une scène de 140 mètres carrés, une caravane de 54 véhicules, camions, bus, caravane, Rolls-Royce blanche et chopper Harley-Davidson pour l'idole, une équipe de 114 personnes pour une tournée de 3 mois, un spectacle itinérant donc où se côtoient funambules, cracheurs de feu, fakirs, battleurs, dresseurs d'ours et artistes de variété. Sam Bernett, animateur de RTL et créateur de la boîte parisienne Rock'n'Roll Circus, semblait tout désigné pour présenter ce tour dont le coup d'envoi est donné à Chantilly dans des conditions particulièrement déplorables. Il pleut des cordes, rien n'est vraiment mis au point et pour couronner le tout, Miss Workman, qui doit assurer la première partie, brille par son absence. Le groupe Belfortin Ange assure le show, présentant un Johnny tout de dingue vêtu qui attaque par nez dans la rue, puis étreigne un nouveau répertoire qui manque cruellement de tubes. Très vite, l'impresario et promoteur de l'opération, Jean Ponce, se rend compte qu'il court à la ruine. D'autant que les tourneurs locaux, qui ne tirent aucun bénéfice de cette entreprise autonome, ne lui facilitent pas la tâche, empêchant l'implantation du cirque dans certaines villes ou imposant des emplacements improbables, difficiles d'accès. À l'idée, lui, refuse de renoncer, il ira jusqu'au bout de l'enfer. Un enfer qui a pour nom Nanette Workman, avec qui le rocker vit une passion autodestructrice. De vainqueur, il n'y en aura pas. Et cette tournée rocambolesque, malgré quelques concerts magiques, va s'avérer un monstrueux gâchis à tout niveau. Un désastre financier dont tous les décideurs, je l'ai compris, auront du mal à se relever. Et pour le principal intéressé, un carnage affectif qui se soldera à moyen terme par une rupture avec la femme qu'il aime, donc Sylvie Vartan. Et dans certaines villes étapes, il arrive que dès l'entrée sur scène de Nanette, certains fans se mettent à hurler Sylvie, comme les forcenés par solidarité, d'autant que par affection. Mais Johnny n'entend pas. Les trois quarts du temps, son garde du corps Sacha roule le cueil à la sortie de scène, exténué, vidé, totalement détruit. On court tout de suite vers ce Johnny Circus en commençant par ce titre « Je suis né dans la rue ». John a aidé lors de la tournée du Johnny Circus 1972 qui était apparue lors des premiers archives live. Johnny Circus et ce titre que Johnny n'a chanté que lors de cette tournée-là, comme si je devais mourir demain. Vous écoutez Érigé, ici sur l'antenne de Érigé 90.7. Je ne peux plus vivre et mentir.

la fin de ce Johnny Circus 1972. À présent, nous passons en 1973, exactement le samedi 14 avril. C'est un gala au Palais d'hiver de Lyon, dans une ambiance de folie qui rappelle les soirées torrides des années 60. Un Johnny au meilleur de sa forme ou de sa démesure et une salle archi-comble en révolution. Des fans déchaînés qui se ruent sur scène, des bagarres violentes, des filles qui s'évanouissent et repartent sur des brancards et au final, une salle saccagée. Oui, ça a fait le titre des journaux à cette époque-là et vous allez entendre tout ça au cours de ces quelques extraits du Johnny Hallyday à Lyon le 14 avril 1973. On commence par Fils de la nuit. Toi dans l'allée noire, j'ai senti dans mon parventre comme une flamme qui montait chez moi. Chercher partout dans la ville, cherchant ton visage dans le noir. à côté de moi. Je vous demande une faveur, ne marchez pas sur mon pied. Ensuite, de ne pas tirer les fils sur scène, car après, le micro ne marchera plus, les instruments ne pourront plus marcher non plus. Et nous serons obligés d'arrêter le spectacle. Et je vous promets que tout à l'heure ça va chauffer beaucoup plus que maintenant. Là, je crois que le mieux c'est de nous réserver pour tout à l'heure. Et après tout ça, je voudrais vous dire bonsoir, comment ça va? À chaque fois, mais finalement, mieux vaut tard que jamais. Hein. Voici une chanson spécialement pour les filles qui se trouvent dans la salle. Chanson maintenant. Je veux bien vous embrasser autant de fois que vous voulez. Mais pas pendant que je chante. Les musiciens qui ne chantent pas, vous pouvez y aller. tuera son visage. Je voudrais repousser l'hiver, mais le temps tuera son visage. Je voudrais repousser l'hiver, oui, mais le temps tuera. De folie à Lyon le 14 avril 1973. Que j'ai enregistré il y a quelques années. Si je peux vous demander deux minutes de silence. Est-ce que vous vous rappelez cette chanson? Tu me dis que tu l'aimes, je sais, tu dis vrai, et pourtant, moi je t'aime, bien plus fort, en secret. Amateur, dans tes yeux, la lumière est là que pour lui. Le sais-tu, la lumière, ça n'est pas j'infini. Je ne vois en lui que l'espoir au jour des regrets. Dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Si mon cœur ne peut être pour toi le premier, j'attendrai afin d'être dans ta vie le dernier. Je serai pour te faire oublier tes tendres années. Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Encore aussi féliciter le studio Tone House avec Jean-Étienne Lousse et Geoffrey Dautin qui ont travaillé sur ces captures radio pour donner le meilleur rendu possible. Il y a un jour qui se tire les mains, enfin tu sais les vents que tu les vins. Si tu veux gagner, si tu veux le donner, il te suffit de sur la vallée. Je n'ai pas très loin, ça ne comprend rien. Je suffis de penser les collines. Il faut boire à la source, boire à la source, boire à la source de la vie. dernier extrait de ce concert de Lyon, le 14 avril 1913, avec Oh ma jolie Sarah. Le plaisir, c'est du lit dans l'espace. Mais je n'y suis pour rien. Non, pour rien. Car tout change, et tout casse, et tout passe, et tout lasse. Le désir, le plaisir, c'est du lit dans l'espace. Mais quitte Lyon en 1973 pour arriver en 1985, exactement au Zénith, et le samedi 2 février, 18h30, le ministre Jacques Lang est venu célébrer le premier anniversaire du Zénith. Autour de l'énorme gâteau au chocolat découpé par France Gall, sont regroupés Michel Berger, Bernard Lavilliers, Hugo Frey, Sheila, François Reichenbach et Johnny Hallyday, qui à 19h30 désertent les festivités pour aller se préparer à sa grande dernière qui commence à 20h30 dans une ambiance incroyable. Une salle archi-comble, hurlant debout sur les sièges, poings en l'air, frappant des pieds, déchaîné comme jamais. Johnny ému, ce soir, ce n'est pas un soir comme les autres. C'est toujours un peu triste de finir un spectacle, mais je ne vais pas vous parler de ça maintenant. Grâce à vous, je vais bien, merci. C'est aussi à cause de vous que j'ai oublié de vivre. Et de dédier la chanson citée à son public avant d'adresser un « Ne me quitte pas » bouleversant à Nathalie. Selon la tradition, la soirée est ponctuée de nombreuses surprises et de gags en tout genre, danseurs en caleçon, gueule peinte des musiciens, Lando qui traverse la scène avec pour bébé Jean-Claude Camus, Nathalie qui remplace une danseuse et tombe dans les bras d'un Johnny effaré, défilé de travestis, toujours ses danseurs, sur la chanson La Garce, puis à peine le temps d'entrevoir un brancard côté cour, clin d'œil caustique à la syncope du 8 janvier, qu'arrive Sheila côté jardin, blouson de cuir noir frangé pour entonner avec l'idole Un petit loup, tout feu, tout flamme. Du toit du Zénith tombe une pluie de confettis en forme de cœur, en même temps qu'une volée de ballons multicolores qui explosent tous azimuts sur des feux de Bengale. Johnny disparaît en coulisses, le public vocifère, hystérique, retour à moto, et c'est Eddie Mitchell cette fois, qui entre en scène et recoiffe son ami à la Elvis avant d'entonner That's Right Mama et Biba Palula. Le final est indescriptible, un délire total, avec un Johnny déchaîné qui grimpe sur le piano, s'agite comme un diable, bondit au milieu de scène, l'ami Jean-Paul Lemondo venu se livrer à quelques cascades, les musiciens suspendus dans les airs, Nathalie Baye dansant un rock survolté avec Johnny, et cet ivre de musique et de bonheur que le chanteur quitte la scène et poursuit la fête jusqu'à l'aube à l'espace Gardin. Voici 5 extraits que je vous propose d'écouter de ce Zénith qui est sorti là, les derniers archives live sortis cette année, le 30 août 2024. On va écouter Point Cœur, la musique que j'aime, Drôle de métier, Hey Joe, et le bon temps du Rock and Roll. Yeah!

Lundi 12h30, dehors il fait un froid de chien. Ma fille a pleuré cette nuit. J'ai encore le goût du café crème, j'ai froid aux mains. Sur les vitres pleure la pluie. Il fait 100 ans, un camion donne un coup de frein. Mon producteur, ce serait presque repartir. Je rentre jusqu'au, je veux bien péter, boire une bière. Mes yeux ne savent même plus mentir. Drôle de métier, drôle de métier. Oui, il y a des soirs où faut avoir le moral et le cœur bien accroché dans ce métier. Oui, drôle de métier, oui. Le moral et le cœur bien accroché. Tiens, mon secrétaire s'est endormi entre deux mots. Tant mieux, plus besoin de parler. J'ai brouillé l'image, coupé le son de ma radio. J'aurais même plus besoin de parler. J'ai roulé le plus longtemps possible sans mettre mes lumières. La nuit ne me verra pas venir. Je te compte pour je te compte, mais je veux bien m'arrêter, boire une guerre et voir des gens normaux sourire. Drôle de métier, oui, drôle de métier. Il y a des soirs où faut avoir le moral et le cœur bien accrochés dans ce métier. Oui, drôle de métier, oui. Pas de prime de risque pour la déprime dans mon métier. Non, pas de cadeau, pas de coup d'éponge. Comme un cheval aveugle, poussé dans un terrain miné. Tu fais un faux pas, tu plonges. Le moral et le cœur bien accroché dans ce métier. Oui, dans le métier, le moral et le cœur bien accroché. Hey Joe, viens dire bonjour, mais t'en mourras pas. Moi j'entre à l'heure qui me plaît, j'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. Ce qui m'attend chez moi je le sais, rien qu'un lit froid sans personne dedans. Hey Joe, si on parlait, ah mais de quoi? Hey Joe, le Vietnam de la bombe, tu t'en fous de ça? Comme tu dis la vie, oui seul les trois ciselés. Pour ce Zénith 85, 2 février 85, le bon temps du rock'n'roll. Vous écoutez toujours Érigé, la radio de Johnny Hallyday le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit, et c'est l'émission Johnny de A à Z. Elle a la musique qui s'appelle. Puis toujours entre nous deux, ça colle. Depuis le bon vieux temps du rock and roll. Pas dans le bon temps du rock and roll. C'est la musique qui s'envole. Puis toujours entre nous deux, ça colle. Depuis le bon vieux temps du rock and roll. Et pas dans le bon temps du rock and roll. Et c'est la musique qui s'envole. Quitte le Zénith. Et donc, évidemment, je vous invite à découvrir ce concert du Zénith 85 dans Chez tous les bons disquaires. Achetez ce concert, achetez ce Zénith, tout comme le prochain qui est aussi la fête d'humanité de 1995, le 15 septembre exactement. Et Johnny Hallyday l'avait promis en 1985. Il tient parole. Johnny revient à la Courneuve, chanté pour la fête d'humanité en 1991. Reportage dans le journal de 20h d'Antenne 2, où 100 000 spectateurs impatients, le secrétaire général du PC, Georges Marchais, lance Johnny, vous allez le voir et je vais l'écouter avec vous. Mais vous l'aurez d'autant plus vite que j'aurai prononcé mon discours. La presse people ne manque pas de remarquer la présence aux côtés de la star d'une sculpturale russe de 22 ans, prénommée Olga. Quoi de plus normal que de se présenter chez les communistes au bras d'une soviétique, diront certains plaisantins. Adeline, elle, n'a pas envie de rire et retourne chez ses parents, ainsi que l'annonce Le Parisien 4 jours plus tard. Mais on n'est pas là pour parler torchon, chiffon, serviette. Écoutons plutôt Johnny Hallyday qui va nous interpréter 5 titres de ce concert de la Fête de l'Humanité 1991. Mon petit loup, je ne suis pas un héros, Diego libre dans sa tête, Gabriel et pour finir, Dégage. Mon petit loup, ça va faire mal. merci. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Rock and roll. Cette chanson, je la chante pour mon ami Daniel Balavoine.

volé mon cœur. Elle a volé mon esprit. Vous voyez qui je veux dire. Vous connaissez son nom? Vous connaissez son nom? Alors dites-moi son nom. Pardon? C'est vrai? Voilà. Regardez, j'ai brûlé devant l'esprit. Ton amour étrange ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir. Car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans mon lit. Et d'entendre la vie et de plus m'échauffer sous tes cris. Dans tes yeux, sans de chien, sans peur le jour, était ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui pourra. Disant de chien, sans peur le jour, était ma peine pour ça de l'amour. J'ai refusé. J'ai flotté dans mon cœur cette illusion de nos heures. Et tu chantes. J'ai la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Et je veux t'expliquer, tu confonds et le jour et la nuit. Ouais, je veux t'approcher et tu tournes le dos, tu t'enfuis. Tu veux vraiment ce que tu veux faire. Je ne serai plus l'esclave de ta chair. Disant le chien sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui peut m'en place. Disant le chien sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. J'ai refusé. J'ai refusé. Mourir d'amour sublime. Oui, j'ai refusé. Mourir d'amour de soirée spéciale live, archive live, avec ce titre Dégage, extrait de la fête de l'humanité en 1991. Tu es à votre tour au-dessus de sa voix. Parce que tu sens qu'elle s'éloigne de moi. Ne la regarde pas avec qui j'ai comme ça. Je sais qu'elle n'est pas encore à toi. Dégage. Tu vois. seule sur cette émission de la rentrée 2024-2025, Johnny de A à Z ici sur l'antenne de RIG, presque tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission. Et n'oubliez pas que, en principe, hein, la collection Archive Live va continuer pour l'année prochaine. Évidemment, je serai là-dedans, hein, je serai dans ce projet également, j'y participerai. Et puis donc, on en saura un peu plus tard, voilà. Hein. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.